La délégation gouvernementale congolaise, conduite par Jacqueline Lydia Mikolon, ministre de la Santé et de la Démographie, est arrivée le 23 courant à Pyongyang par vol.